baiser, le laisse s'étirer, traîner par le mouvement, sur textile mouvant, il embrasse. Je me demande une question qui me hante.